إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 9 dans l'explication du livre et la lecture du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri Al-Hadd al-Fasil بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. Donc la ligne qui tranche ou la limite qui tranche entre l'attitude ou la façon dont on doit agir envers les gens de la sunna et les gens de la fausseté comme les gens de la bid'a. Et c'est un livre de questions et réponses qui ont été posées, des questions qui ont été posées à Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah et les réponses du Cheikh à ces questions. Et comme on avait dit dans les cours précédents, on a expliqué que le livre il comporte 27 questions et actuellement on est rendu à la question numéro 20. On est rendu à la question numéro 20 et au cours numéro 9. Donc c'est des questions qui sont assez détaillées et qui sont, c'est-à-dire assez spécifiques et très très intéressantes et bénéfiques aussi. Et les réponses du cheikh sont encore plus intéressantes et encore plus bénéfiques puisque le cheikh il a été très généreux avec les toulab al-ilm et avec les musulmans donc dans ses réponses et il a fait preuve de grande générosité dans sa science et dans son temps donc il a vraiment pris le temps de répondre chacune de ses questions avec beaucoup de clarté, beaucoup de patience, beaucoup de détails et d'explications, beaucoup de preuves du Coran et de la Sunna et des fondements de la Sharia pour que la personne qui cherche réellement la vérité avec sincérité puisse comprendre et accepter et suivre par la permission d'Allah. Donc dans les derniers cours, on a clarifié certains points qui ont rapport avec certaines choubouhats qui sont lancées par les gens qui veulent défendre les mubtadi'a ou les gens de la fausseté. Par exemple, une de leurs choubouhats, c'est-à-dire que ils prétendent qu'il faut que lorsqu'on met en garde contre quelqu'un, il faut que ce soit tous les savants qui aient mis en garde contre cette personne, et il considère ou il pense que si un d'entre les savants n'a pas mis en garde, que dans ce cas-là, on peut choisir la position qu'on veut et agir de la manière qu'on veut et défendre la personne qui a été critiquée par les ulama avec preuve. Ils utilisent comme argument le fait qu'un savant n'a pas parlé. Donc c'est comme pour dire, bon, s'il n'y a pas tous les savants qui sont tous d'accord sur le verdict d'une personne et que chacun d'entre ces savants-là n'a pas parlé pour critiquer, donc ça veut dire qu'on n'a pas à prendre en considération la critique. Et ça, c'est parti totalement et on a réfuté ça et le cheikh, il a clarifié ça avec des explications très claires. Maintenant, la question 20 qui a été posée au Cheikh, c'est une question très intéressante et très importante aussi. Et c'est la suivante. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول نود التفريق بين التقليد المذموم عند أهل العلم والتقليد الذي يدندن حوله أبو الحسن وأتباعه. Donc la question qui a été posée au Cheikh, la question numéro 20, nous aimerions que vous faisiez nous aimerions entendre de votre part la distinction ou la différence entre at-taqlid al-mazmoum, c'est-à-dire le fait de suivre aveuglément quelqu'un chez les hommes de science d'une manière qui est blâmable, et le taqlid autour duquel Abul Hassan al-Ma'aribi et ses fidèles, ses suiveurs, ils sont en train de discuter, ou autour duquel ils font du bruit, et ils discutent. Et pour expliquer un petit peu le contexte de cette question, peut-être donner quelques clarifications serait intéressant aussi avant de commencer à traduire la réponse. C'est que, on sait que lorsque par exemple les ulama d'Ahl Sunnah mettre en garde contre un innovateur ou mettre en garde contre quelqu'un qui est égaré et les savants ont mis en garde contre lui, on se réfère aux paroles des savants, souvent à propos de cet innovateur-là ou de cet égaré-là. Par exemple, un individu qui, par exemple, a dévié, comme Abul Hassan al-Ma'ribi, ou bien Ali al-Halabi, ou bien Abu Ishaq al-Huwaini, ou Muhammad Hassan. Lorsque, par exemple, des gens sont attachés à ces personnes et qu'ils les écoutent, ils écoutent ces personnes-là, alors, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque on rencontre ces personnes qui sont attachées à ces gens, on va leur rappeler les mises en garde des savants à leur sujet. Par exemple, on va leur dire « Ya akhi, un tel, par exemple, Abu Ishaq, ou Al-Halabi, ou Al-Ma'ribi, ou d'autres, Al-Maghrawi, Ar'ur, et d'autres, on va leur dire que les savants ont parlé à leur sujet et ont mis en garde contre eux. Alors, ces gens-là, qui se pensent intelligents, qui pensent avoir atteint un niveau de science élevé parfois, parmi ces jeunes, ils disent « Akhi, moi, je ne suis pas aveuglément les savants. Je suis les preuves. Donc, je ne vais pas prendre la parole de Cheikh Rabi' ou la parole de Cheikh Ubaid ou la parole de Cheikh Mohammed bin Hadi ou la parole, par exemple, de Cheikh Al-Fawzan ou la parole d'un autre parmi les mashaykh pour justifier la critique qui a été faite. Moi, je dois voir moi-même l'erreur et je dois être convaincu que cette personne a eu l'égarement par moi-même avec mes propres moyens, sinon je ne vais pas être d'accord avec cette critique ou avec cette mise en garde. » Et on a parlé de quelque chose semblable à ça dans les questions qui ont été déjà posées. Par exemple, Al-Ma'ribi, il disait, quand par exemple Cheikh Rabi' a réfuté Sayyid Qutb, il a montré ses égarements, il a écrit des livres pour prouver ça, lui, au début, il disait non, moi je ne suis pas convaincu. Par exemple, quand Cheikh Rabi' a prouvé que Sayyid Qutb défendait la croyance des soufis, des batiniyas, de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire que eux ils croient que on ne doit pas distinguer entre le créateur et la créature. Pour eux, le créateur et la créature, c'est une seule et même chose. Et il ne faut pas distinguer entre Allah et la création. Allah et la création sont une seule et même chose pour les soufis. C'est ce qu'ils appellent l'unicité de l'existence. Hein, ça, c'est leur tawhid. Et c'est en réalité du shirk. Hein, parce que, selon cette idée, selon cette croyance qui est une croyance panthéiste, qui ressemble à la croyance des hindous et des bouddhistes, eh bien, on ne peut pas affirmer l'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, puisque la créature et le créateur sont mélangés ensemble, ils sont une seule chose. Donc ça c'est du kufr et c'est du shirk. Et Cheikh al-Islam, il a réfuté cette croyance de Ibn Arabi et d'autres, parmi les soufis. Et on retrouve cette aqidah dans le livre Fidilal al-Qur'an de ses Qutub, dans le tafsir de Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad. Si tu retournes dans son tafsir, Surat Al-Ikhlas, tu lis ce qu'il dit à ce sujet-là, et tu vois clairement que c'est la aqida des soufis qui est supportée ici, et dans d'autres sourates aussi, on retrouve cette fausse aqida-là, qui est une aqida de kufr, hein, et que les ulama ont déclaré comme une forme d'hérésie. Donc, yani, parmi les exemples de ce que Abul Hassan rejetait yani, ou refusait d'admettre, c'était cet exemple-là, et il y en a peut-être d'autres aussi. Hein, et donc, il disait non, moi je ne suis pas convaincu, je ne suis pas aveuglément, qu'est-ce que Cheikh Rabien a dit, et ainsi de suite. Alors que Cheikh Rabien, il ne parlait pas sans preuve, il parlait avec preuve, il a ramené les citations, les pages et les exemples directs, clairs, hein, de leur compte. Il y en a directement dans l'endroit où Sayyid Qutb avait dit ces choses-là dans ses livres. Donc c'est un exemple. Et il m'est arrivé, même ici à Montréal, d'avoir une discussion avec un takfiri, hein, de cette catégorie-là, et il m'a répondu, yani, ce genre de réponse-là, la même chose. Comme si en voulant dire, moi je ne suis pas aveuglément les gens, et même qu'il m'a envoyé même un email, hein, en arabe, où il me disait, moi je ne suis pas aveuglément les savants, par rapport au fait d'accepter la mise en garde que les savants ont faite. Et moi, je lui ai répondu, yani, toi, tu nous accuses de suivre aveuglément les savants parce qu'on prend leurs critiques et leurs réfutations et leurs mises en garde qu'ils ont faites avec preuve. Et toi, tu prétends que non, toi, tu ne fais pas de taqlid, que tu retournes aux preuves, que c'est toi qui utilises ta raison, ta logique, tu fais des ijtihad et que tu analyses les paroles des savants, puis tu prends ce que tu considères vrai, puis tu rejettes ce que tu considères faux parmi les paroles des savants, et ainsi de suite. Donc, c'est toi l'intelligent, et ainsi de suite. Et alors, je lui ai répondu par la parole de l'imam al-Barbahari, hein, où il expliquait que ces gens-là, en réalité, c'est des gens qui suivent le faux et qui suivent le batil. Et dans le sens que s'ils trouvent dans les paroles des savants quelque chose qui semble être en accord avec leur passion, et là ils vont le lever haut et dire, regardez, on a tel cheikh et tel cheikh qui dit ça, qui est en accord avec nous, selon ce qu'ils pensent. Tandis que les fondements et les principes et les paroles des savants qui sont clairs et qui sont les bases du manhaj, eh bien, quand tu leur ramènes ces paroles-là, ils disent, non, nous on ne fait pas le taqlid, on ne suit pas aveuglément. Donc, les ulama ont expliqué que de suivre la vérité, on n'appelle pas ça taqlid. Et de suivre les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, on n'appelle pas ça taqlid. On appelle ça al-ittiba'. Le fait de suivre al-haq, de suivre la vérité, de suivre le Coran et la Sunnah, de suivre la preuve, ça c'est al-ittiba'. Taqlid, on va l'expliquer ce que c'est avec les paroles de Cheikh Ubayd. Hein? Et le email en question de la personne, c'est Lutfi, l'Algérien, le takfiri, qui est bien connu, hein, et ici à Montréal, et qui fait des vidéos parfois sur YouTube. Et son email qu'il m'a envoyé, je l'ai encore. Hein, donc, si quelqu'un veut comme référence ou comme exemple, je peux lui sortir quand il veut cet exemple-là qu'il a ramené. Parce qu'une fois, on avait eu une discussion, on s'était rencontré à l'université de Montréal, puis il commençait à insulter Cheikh Rabia et à parler contre. Hein, Cheikh Rabir et d'autres ulama, et puis il y avait des frères qui étaient là parmi des frères convertis, comme des frères haïtiens et autres, et quand j'ai commencé à parler en français pour réfuter qu'est-ce qu'il disait, il a dit non, parle pas en français, parle en arabe, il faut pas que ces convertis-là comprennent. Yani pourquoi, j'ai dit? Parce que ils veulent pas que les convertis comprennent et sachent la réalité de leurs choubouhat et de leurs égarements. Donc, quand ils parlent devant des non-arabes ou des convertis, ils cachent ces positions-là qu'ils ont parfois pour pas que ils soient au courant de leur position. Finalement, on a parlé en arabe et là, il a commencé à insulter et se moquer des ulama et nous appeler, par exemple, Ahlul Jarh wa Tajrih et des choses comme ça. Hein? Et c'est ça qu'il nous a dit, par exemple, par rapport à ça, par la suite. Hein? Puis en plus, il criait et il était impoli et il se moquait. Quand je suis retourné chez moi, j'ai trouvé un email qu'il m'avait écrit justement. Et il s'excusait de son impolitesse et de ses mauvaises manières. Et il m'a dit comme excuse que je m'excuse d'avoir eu ce comportement-là, mais c'est parce que je suis algérien. Hein? Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est pas parce que tu es algérien que tu dois avoir ce comportement-là. Hein? Puisque ça, c'est pas une justification, on est des musulmans, hein? Peu importe de quelle origine on est, on doit respecter et essayer d'avoir le comportement de l'islam dans les discussions, et surtout si c'est des discussions par rapport à l'islam. Et je connais plein d'Algériens qui sont respectueux et qui aiment la da'wa salafia et qui ont des très bonnes manières quand c'est le temps de discuter et de parler. Donc, qu'est-ce qu'il disait là de s'excuser de cette façon? C'était totalement ridicule. Mais bon, ça c'est juste un détail en passant. Maintenant, revenons à la réponse maintenant du Cheikh. Qu'est-ce qu'il explique par rapport à cette question-là et comment on réfute cette choubha de la part de ces gens-là? Le Cheikh, il commence par expliquer la définition du taqlid dans la langue arabe, puis dans al-istilah, c'est-à-dire selon la terminologie des savants dans l'islam, la définition religieuse. Donc, la définition linguistique, le Cheikh, il dit « al-taqlid fi al-lugha man taqallada al-shay min taqallada al-shay يتقلده إذا وضعه في رقبته أو في رقبته ويقال قلد غيره قلادة قلد غيره قلادة إذا وضع القلادة في رقبته في رقبته رقبته الرقبة سلوكه. Donc le cheikh explique que le taqlid dans la langue arabe, c'est de mettre un collier dans son cou ou d'attacher quelque chose dans son cou. Hein? Et on dit, par exemple, le fait d'attacher quelque chose ou de mettre un collier dans le cou de quelqu'un, on l'appelle al-qilada. Hein? Al-qilada, c'est le collier. Et donc, wada al-qilada fi raqabatihi, c'est-à-dire il a mis le collier dans son cou. Donc c'est ça, taqlid. Hein? Et ça c'est la définition linguistique. Donc ça donne le sens de, d'attacher quelque chose dans le cou ou de prendre quelque chose par le cou. Hein? Et dans la définition religieuse, le cheikh dit أما في اصطلاح أهل العلم فإنه قبول قول من ليس قوله حجة قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. C'est-à-dire, selon la terminologie des hommes de science de l'islam, la définition religieuse, le taqlid, c'est quoi? C'est d'accepter la parole de celui dont sa parole n'est pas une preuve. D'accepter la parole ou la position de celui dont sa parole n'est pas une preuve. De celui dont la parole n'est pas une preuve. Donc, tu acceptes la parole de quelqu'un alors que sa parole n'est pas une preuve. Et la suite de la définition, min ghayri ma'rifati dalilihi, sans connaître sa preuve, sans connaître la preuve de sa position. C'est-à-dire, tu acceptes sa position alors que sa position à lui, sa parole à lui n'est pas une preuve. Hein? Sans connaître sa preuve, c'est-à-dire la preuve pour laquelle il a pris cette position-là. C'est ça le taqlid. Donc le cheikh, il continue, il dit « وَبِهَذَا يَجِبُ التَّفَطُّنْ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّعْرِيفِ مِنْ قُيُودِ » Donc il dit, maintenant il faut réfléchir hein, et comprendre ce que cette définition comprend comme, yani, comme clarification et comme limitation, hein, comme définition. Premièrement, il dit قوله قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذان قيدان. Donc, quand on dit que la définition c'est de d'accepter la position de celui dont la parole n'est pas une preuve, sans connaître sa preuve, il y a deux points, il y a deux parties, hein, il y a deux limites dans cette définition là. القيد الأول قبول قول من ليس قوله حجة هذا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله حجة فإذا قيل لك قال رسول الله لا يجوز أن تسأل عن الدليل قوله حجة لكن لك إذا استغربت أن تسأل عن صحة الحديث. Donc le cheikh il explique un premier point. La première partie de cette définition-là, c'est lorsqu'on dit que le taqlid, c'est d'accepter la parole de celui dont la parole n'est pas une preuve, ça exclut le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une preuve. La parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une preuve. Donc ça veut dire que si tu suis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu dis, ou quelqu'un te dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est une preuve. Et donc, tu n'as pas le droit de demander la preuve dans ce cas-là. Si quelqu'un te dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est une preuve, et donc tu n'as pas le droit par la suite de demander la preuve. C'est-à-dire, si je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, tu n'as pas le droit de dire, oui, mais c'est quoi la preuve? Parce que la preuve, c'est le hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore pire, si c'est un verset du Coran, hein, que je te donne une preuve dans le Coran, puis tu me dis, oui, mais c'est quoi la preuve? Hein? Et il y en a qui agissent de cette façon-là, d'une façon indirecte aussi. C'est-à-dire, tu leur mentionnes un hadith, ou tu leur mentionnes une ayah dans le Coran qui est claire et explicite sur quelque chose, et puis eux, ils vont te dire, yani, c'est comme si, oui, mais, yani, c'est, pourquoi? Hein? Oui, mais pourquoi? Je comprends pas, ou pourquoi? Comme si ils cherchaient à être convaincus par quelque chose d'autre que le verset du Coran ou le hadith, hein? Par exemple, quelqu'un dit, c'est quoi, pourquoi par exemple tu lui dis dans l'islam l'homme, la femme, par exemple dans l'islam la femme elle doit se couvrir entièrement puis mettre le djilbab. Donc la personne te dit pourquoi, tu dis parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran tel verset, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna tel hadith, et là après la personne te dit oui mais pourquoi, hein? Donc yani, le dalil c'est ça. Est-ce que tu cherches quelque chose de plus que le dalil? Souvent c'est des gens qui considèrent que la preuve du texte n'est pas suffisante comme preuve pour eux. Ils veulent une confirmation ou une preuve de logique ou rationnelle pour prouver que telle ou telle chose est bonne ou qu'elle doit être pratiquée ou non. Puis ils ne vont pas appliquer un ordre de la religion ou de la charia sauf si la chose selon eux est prouvée rationnellement et logiquement. Et si pour eux c'est pas logique, même si c'est prouvé par le Coran et par la Sunna, eh bien ils vont comme dire non, je le pratique pas ou je l'applique pas. Et ça c'est pas l'attitude d'un musulman. Parce que le musulman, il se soumet à l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peu importe. Qu'il comprenne l'ordre ou qu'il ne la comprenne pas. Hein? Du moment que c'est prouvé par le Coran et par la Sunna et par l'exemple et la compréhension des salaf al-salih, eh bien, il faut l'accepter, il faut l'appliquer, il faut se soumettre. Hein? Donc, ça, c'est important. Et puis, en même temps, ça répond aux kuffars qui, eux autres, sont toujours en train de poser des questions aux musulmans. Mais pourquoi vous, les musulmans, vous faites ça? Mais pourquoi vous, les musulmans, vous faites ça? Et qui veulent faire des débats d'opinion sur des questions qui ont rapport avec les ordres d'Allah. Donc, nous, on leur dit, il n'y a pas de débat sur ces questions-là. C'est des questions qui ont rapport avec la foi, qui ont rapport avec la révélation. Soit tu y crois, parce que tu crois en Allah et en son messager et en sa révélation et en ses livres, ou bien soit tu y crois pas, et yani, dans ce cas-là, yani, t'es un kafir. Donc, je veux dire, il n'y a pas de débat à faire sur ces questions-là. Là, le débat, il est clos. C'est juste, tu acceptes ou tu acceptes pas. Tu te soumets ou tu te soumets pas. Hein? Et si quelqu'un, par exemple, par faiblesse de foi, bon, il ne va pas appliquer l'ordre d'Allah parce qu'il a une foi faible ou même parce qu'il fait un péché, il suit sa passion. Là, c'est sûr que la personne, cette personne-là qui obéit pas par faiblesse ou par passion, ben, c'est un pécheur. Hein? C'est un musulman pécheur. Hein? Mais c'est pas ça, c'est pas cette personne-là qui est un exemple pour l'islam et pour les musulmans. L'exemple, c'est le Coran et la Sunna et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salaf al-salih, c'est ça notre exemple. Donc ça, c'est un point juste en passant pour expliquer par rapport à ça, que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une hujja, et donc si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve, et donc ça rentre pas dans le taqlid. Donc tu vas pas dire, si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah, toi tu fais le taqlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on n'appelle pas ça taqlid. On appelle ça suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le cheikh il dit, mais si tu es étonné par quelque chose, par exemple, tu entends quelque chose dans un hadith qui t'étonne ou qui te surprend, et tu n'es pas sûr, dans ce cas-là, tu as le droit de demander au sujet de l'authenticité du hadith. Il dit, le cheikh, dans ce cas-là, tu as le droit de demander au sujet de l'authenticité du hadith, à savoir, est-ce que ce hadith il est sahih ou non? Hein? Et donc, s'il est sahih, dans ce cas-là, tu dois l'accepter. Si c'est rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, hein, ou bien par d'autres, parmi les livres, dans les livres de hadith, des ulama de hadith, et dans les sunan, et que c'est rapporté selon les conditions des hadiths authentiques, dans ce cas-là, tu dois l'accepter. Il y a d'autres exemples aussi que le cheikh mentionne ensuite. Il dit, وَكَذَلِكَ الْإِجْمَعُ فَإِذَا نَعَقَدَ الْإِجْمَعُ مِنْ أَهْلِهِ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ وَجَبَ قَبُولَهُ إلى يوم القيامة ولا يجوز نقده فإن الإجماع حجة بنفسه سواء عرف دليله أو لم يعرف. Donc le cheikh il dit, il y a également comme preuve, on considère également comme preuve parmi les choses yani, qui font partie des preuves dans la sharia, en plus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son exemple, il y a aussi al-ijma, c'est-à-dire le consensus. Hein? Le consensus, c'est-à-dire les positions des savants d'une époque quand ils sont tous d'accord sur une chose. Parmi les hommes de science de l'islam, si à une époque, parmi les époques, il y a une question sur laquelle ils sont tous d'accord, eh bien, dans ce cas-là, il est obligatoire pour les musulmans de l'accepter jusqu'au jour de la résurrection, et il n'est pas permis pour eux de contredire ou d'opposer ou de rejeter cette position-là, parce que l'ijma, c'est-à-dire le consensus, est une preuve indépendante dans la charia, c'est-à-dire elle est une preuve par elle-même dans la charia d'Allah. Peu importe qu'on ait connu la preuve ou qu'on ne l'ait pas connue. C'est-à-dire, peu importe qu'on ait connu la preuve sur laquelle est basé ce consensus-là, ou qu'on ne l'ait pas connu, c'est une preuve par elle-même. Non. Après, le cheikh, il détaille encore plus, dans des exemples, il dit, فَمِنَ الْإِجْمَعِ مَنْ قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ الصَّحِيحَةِ ومن الإجماع ما استند إلى حديث ضعيف فقوي به الحديث. Donc le cheikh il donne des exemples d'ijma'. Donc il dit il y a des ijma', il y a des formes ou des catégories d'ijma' au sujet duquel il y a un dalil authentique du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire il y a des consensus sur lequel il y a une preuve qui est tirée du Coran et de la Sunna authentique. Tandis qu'il y a d'autres formes d'ijma' qui se rapportent à un hadith qui est faible, mais qui est renforcé par l'ijma. Donc le hadith, il est faible, mais l'ijma, c'est-à-dire le consensus, a rajouté de la force à ce hadith-là. Hein? Et il dit, وَمِنَ الْإِجْمَعَاتِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ دَلِيلُهُ لَكِنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ إِنْ عَقَدَ عَلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ قول الأئمة إن عقد على المجمع عليه قول الأئمة. Donc le cheikh il dit parmi les formes d'ijma également celui dont on n'a pas connu la preuve mais il a été établi, hein, et les savants ont été d'accord sur la position des imams par rapport à quelque chose, et donc cet ijma il est conclu par rapport à la position des imams sur le fait qu'ils soient tous d'accord sur une position quelconque. Et c'est pour ça que le cheikh dit ensuite وَلِهَذَا يُعَرِّفُونَ الْإِجْمَعَ فَيَقُولُونَ هُوَ اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم في عصر من العصر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. Donc, il dit que les savants, hein, les savants d'Usul, ils définissent le consensus en disant que c'est l'accord de tous les savants mujtahidun, c'est-à-dire les savants qui ont atteint le niveau ou le degré de science qui leur permet de comprendre et d'extraire des textes de la religion, les verdicts de la sharia, c'est-à-dire à savoir ce qui est halal ou haram, ou ce qui est yani makruh ou mustahab ou ce qui est mubah, hein, des textes de la sharia, ce qui est halal ou haram, ce qui est wajib ou mustahab, ce qui est makruh ou mubah, il le tire directement des textes du Coran et de la Sunna, et également à savoir ce qui est sahih, ce qui est fasid et ce qui est batil, et ce qui est yani batil ou facile dans les pratiques religieuses que quelqu'un fait ou dans les contrats qu'il fait ou ainsi de suite. Donc ça c'est les mujtahidun, c'est les ulama qui font des fatawa et qui font des qiyas, ceux qui ont les connaissances nécessaires pour le faire, on les appelle des mujtahidun parce qu'ils ont les outils de la science islamique qui leur permet de faire ce genre de choses-là. Donc, si ces savants-là, parmi les musulmans de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une époque quelconque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont mis d'accord sur une question religieuse, eh bien, cette chose devient une ijma, un consensus. Et ça devient établi, donc on ne peut pas aller contre. Hein? Et s'il y a un ijma qui a été établi, personne ne peut contredire cet ijma, ça devient une preuve dans la sharia. Et voilà la définition de l'ijma. Après le cheikh il dit wa huna unabbih ila anna kull fann al-mu'tabar fihi ijma' ahlihi. Donc le cheikh il dit j'aimerais également porter l'attention sur le fait que dans chaque domaine ou dans chaque science, ce qu'on prend en considération dans cette science, dans chacune de ces sciences-là, c'est le consensus des spécialistes de ce domaine. Donc, pour chaque domaine, il y a des spécialistes du domaine en question ou de la science en question parmi les sciences islamiques. Et par exemple, le cheikh il dit فَالْقَضَايَا الْحَدِيثِيَّ فَالْقَضَايَا الحديثية المعتبر فيه أو فيها المعتبر فيها ليس قول الفقهاء ليس قول الفقهاء ولا قول المؤرخين ولا قول علماء العربية المعتبر فيها إجماع المحدثين لأنها قضية حديثية. Donc le cheikh il dit dans les questions qui ont rapport avec le hadith, hein, et les questions reliées au hadith, qu'est-ce qu'on prend en considération? Ce ne sont pas les paroles des savants de fiqh, ni la parole des savants de l'histoire, les spécialistes de l'histoire, les historiens, ou la parole des spécialistes de la langue arabe, parmi les savants de la langue arabe. Donc on ne prend pas en considération ni les positions de ces savants-là, on va prendre uniquement en considération, dans les questions reliées au hadith, le consensus des savants de hadith, dans des questions qui sont reliées au hadith. Et il dit, dans la règle, dans les règles qui ont rapport avec l'usul al-fiqh, qu'est-ce qu'on va prendre en considération? C'est le consensus des savants du fiqh. Dans les questions qui sont reliées à l'histoire, on va prendre en considération le consensus des savants de l'histoire. Hein? Et il donne des exemples. Il dit, par exemple, dans les questions qui sont reliées à l'histoire, on prend en considération les positions des savants de l'histoire et ceux qui connaissent les razawat, par exemple, les batailles qui se sont passées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il l'a expliqué en disant « وَالْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا أَهْلُ إِجْمَعِ أَهْلِ الْأُصُولِ والقضية التاريخية يعتبر فيها إجماع علماء التاريخ العارفين بالغزوات فمثلا حينما يجمع المؤرخون من علماء الإسلام على أن غزوة الخندق سنة 40 من الهجرة لا نحتاج إلى بحث يكفيك أهل الفن وكما يعتبرون أهل الاختصاص كفونا هذا وكذلك لو أجمعوا على أن عمرة القضاء في سنة 7 كفانا وهكذا. Donc le cheikh il donne l'exemple, il dit par exemple lorsque les historiens parmi les savants de l'islam se sont mis d'accord que la bataille de Al-Khandaq s'est passée la quatrième année après la Hijra, donc ils se sont mis d'accord là-dessus. Donc, on n'a pas besoin de faire de recherches. La question est claire. Et yani, il nous en suffit, cette recherche-là, parce que c'est des gens spécialistes dans ce domaine. Donc, on prend en considération les gens de chaque spécialité, et ça nous suffit. La même chose pour la question, par exemple, de Umratul Qadha. Ils ont été d'accord sur le fait que ça s'est passé dans la septième année. Alors, ça, c'est suffisant pour nous. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, si les gens d'un domaine ou d'une science quelconque se sont mis d'accord que telle chose, c'est ça qui est la chose qui est prise en considération dans ce domaine-là ou dans cette question-là, eh bien, leur accord ou leur consensus nous suffit. Al-Qaïd al-Thani, la deuxième partie de la définition. Unzuru, qabulu qawl man laysa qawluhu hujja. من غير معرفة دليله وهذا يخرج قول العالم الذي عرف دليله فإن قبول قوله مع دليله ليس بتقليد بل هو اتباع تفطن. Donc le cheikh il explique et il dit la deuxième partie de la définition. C'est lorsque, il dit, regardez bien, le cheikh, quand les ulama définissent le taqlid, il dit, c'est l'acceptation de la parole de celui dont la parole n'est pas une preuve, sans connaître sa preuve. Sans connaître sa preuve. Donc, le cheikh, il dit ça vient exclure la parole d'un savant dont on connaît la preuve. Hein? Donc, il dit, il dit parce que le fait d'accepter la parole de quelqu'un en connaissant sa preuve, dans ce cas-là, on ne l'appelle pas taqlid. On l'appelle ittiba, c'est-à-dire on appelle ça un suivi. Donc, comprenez bien la différence. Hein, la différence entre le taqlid, de suivre quelqu'un sans connaître sa preuve, et on sait que sa parole n'est pas une preuve, et le fait de suivre quelqu'un en connaissant sa preuve. Hein, donc c'est pas du tout la même chose. Il dit ensuite, وَمِنْ هُنَا نَقُولْ أَوَّلًا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالِتِّبَاعِ. Donc premièrement, la différence entre le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle, et al-ittiba', c'est-à-dire le fait de suivre quelqu'un avec la connaissance de sa preuve. Donc le cheikh il dit, فَإِنَّ التَّقْلِيدِ هُوَ قَبُولُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ تَسْلِيمُ هَكَذَا يعني تسليم هكذا من غير معرفة دليله. أما الاتباع فهو قبول القول الذي يسنده الدليل أو يسنده الدليل. Donc premièrement, la différence entre التقليد et الاتباع, premièrement, le taqlid c'est quoi? C'est d'accepter la parole de quelqu'un sans connaître sa preuve. Tu te soumets à la parole de cette personne-là sans connaître sa preuve. C'est ça le taqlid. Et al-ittiba, le suivi, c'est quoi? C'est de suivre ou d'accepter la parole de quelqu'un qui est supporté par une preuve. Hein? Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait clarifier. Premier point, la différence entre ça qu'on a fait, on a distingué entre le taqlid et l'ittiba. Deuxième point. تقسيم الناس من حيث جواز التقليد وعدم جوازه. Ça aussi c'est un autre point très important que le chef il explique ici, et c'est-à-dire comment se divisent les gens et comment on divise les gens par rapport à la qu'est-ce qui est permis à, ou à celui pour qui il est permis de suivre aveuglément ou de faire le taqlid et celui pour qui il n'est pas permis de le faire. Parce que les musulmans ne sont pas tous au même niveau et au même degré dans la science et dans la compréhension. Donc, pour certains musulmans, c'est permis de faire le taqlid. Pour d'autres, c'est interdit de faire le taqlid. Et donc, il faut connaître cette différence-là. Et il faut connaître cette classification des gens par rapport à qu'est-ce qui est permis ou non de faire par rapport au taqlid. Donc, le cheikh, il explique. Il dit, فالناس في هذا الباب صنفان. صنف يسوغ له التقليد بل يجب عليه وهذا هو العامي وكذلك المتعلم الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد ويقول بعض أهل العلم حتى العالم المجتهد الذي قصر باعه عن تقليد هذه المسألة بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده فإنه يسوغ له تقليد من مضى قبله من الأئمة. Donc le cheikh il explique. Il dit, premièrement, il y a une catégorie pour qui il est permis de faire le taqlid parmi les musulmans. Même que ça peut être obligatoire pour lui de le faire. Et ça c'est le musulman qu'on appelle le ami, musulman du commun, hein, celui qu'on appelle le commun d'entre les musulmans, c'est-à-dire le musulman qui n'a pas fait d'études de la charia et qui n'a pas la capacité de comprendre les textes du Coran et de la Sunna, il n'a pas de connaissance de ça, il n'a pas fait d'études, il ne comprend pas et il ne connaît pas. Hein, les textes du Coran et de la Sunna. Son obligation et son devoir, c'est de suivre les savants et de poser la question aux hommes de science à qui il fait confiance et qui sont les savants de référence ou qui sont considérés dans la société, dans les pays musulmans. Donc, le cheikh, il va donner l'exemple. Il dit que c'est lui qui doit faire le taqlid, celui qui est ami, hein, qui ne connaît pas la charia, qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas les preuves, qui ne connaît pas les textes, et ainsi de suite. Lui, il doit faire le taqlid. Et ça, c'est obligatoire pour lui s'il ne connaît pas la preuve. Hein. Il dit de même que la personne qui est éduquée, hein, qui est éduquée, mais qui n'a pas la capacité de faire l'ijtihad. c'est-à-dire il n'a pas la capacité d'analyser lui-même les preuves et les textes hein, pour connaître qu'est-ce qui est dans ces textes-là comme verdict par rapport à la charia, pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est obligatoire ou ainsi de suite. Donc, il a une certaine éducation, mais il n'a pas la capacité de faire l'ijtihad. Et il dit que même certains d'entre les savants ont dit que même le savant qui est mujtahid, c'est-à-dire qui a la capacité de faire l'ijtihad, mais qui, dans une question quelconque, après avoir fait tout ce qu'il pouvait comme effort pour arriver à essayer d'extraire le verdict de cette question-là ou de ce sujet-là, et avoir fait tous les efforts possibles pour le faire, il n'a pas été capable d'y arriver. Dans ce cas-là, ils disent il est permis pour ce savant mujtahid de faire le taqlid de ceux qui l'ont précédé parmi les imams dans cette question. Et il dit wa uzakkiru huna mithalan fiha fi qadiyat al-ism. Il dit hal huwa al-musamma aw ghayrihi. Wa huwa anna at-Tabari rahimahullah wa huwa man huwa min al-imam wa huwa man huwa fi al-imama وجلالة القدر والسابقة في الخير في الفضل والسابقة في الفضل قال في هذه القضية ليس عندي إلا من في قوله الغنى والشفاء يعني الإمام أحمد رحمه الله قلده وفي الجرح والتعديل فإن العلماء يقلدون من سبقهم وثقه ابن معين وثقه فلان وثقه فلان فإذا لم يعرف لهم مخالف فإذا عرف المخالف نظرا كما تقدمنا في الدليل. Donc le cheikh il dit, et je vais vous donner comme exemple ici une question par exemple la question qui a rapport avec le nom. Est-ce que le nom et la chose ou la personne nommée c'est la même chose ou c'est deux choses différentes? Est-ce que le nom et la personne ou la chose nommée, c'est la même chose ou c'est deux choses différentes? Et c'est une question que les Mu'tazila ont ramenée. C'est un truc de philosophie qu'ils ont ramené pour dire est-ce qu'on distingue entre le nom, c'est-à-dire un des noms d'Allah ou Allah lui-même? Et est-ce que le nom c'est Allah ou c'est autre chose que Allah? Bien, c'est des questions de philosophie. Et Ibn Taymiyyah, il a répondu à ça, et d'autres aussi parmi les imams des salafs, ils ont réfuté ça en clarifiant la position véridique à ce sujet-là. Et ils ont distingué qu'est-ce qui est vrai dans cette question-là et qu'est-ce qui est faux dans cette question-là, parce que en partant déjà, la question elle est mal posée, elle est fausse. Donc c'est normal que si tu réponds à cette question par oui ou par non, tu tombes dans l'erreur. Hein, parce que c'est des questions pièges, d'accord? Donc c'est pour ça que les ulama ils ont répondu à ces shubuhat avec intelligence et avec preuve, et ils ont réfuté ces shubuhat là. Sauf que l'imam At-Tabari, rahimahullah, alors qu'on connaît que c'est un des imams dans la religion, un savant mujtahid, hein, l'imam At-Tabari qui a écrit le tafsir très célèbre, hein, le plus ancien des tafsirs, celui que tous les savants par la suite ont utilisé comme référence et comme base, comme l'imam Ibn Kathir et l'imam et tous les autres. Oui, là, on l'appelle son tafsir, l'imam At-Tabari, on appelle son tafsir le grand-père des tafsirs. Ouais. Non, c'est pas très compliqué. C'est juste que l'imam At-Tabari, tous les rapports, toutes les narrations qu'il a ramenées pour prouver les tafsirs de chaque verset, il les ramène avec la chaîne de transmission jusqu'à son rapporteur. Donc, c'est un tafsir qui est basé sur les transmissions et sur les dalils, sur les preuves, les paroles des imams du tafsir et des salafs. Donc, c'est un tafsir qui est utilisé comme une référence par tous les imams et tous les savants de tafsir qui sont venus par la suite. D'accord? Et il était un des grands savants de l'islam et un imam parmi les imams, et même qu'il avait son propre madhab parmi les ulama. Oui, il fait partie des imams mujtahidin, comme l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam, hein, l'imam At-Tabari. Non. Donc, il y a beaucoup d'autres imams comme ça qui ont eu leur propre madhhab, mais qui ne sont pas restés. Leur madhhab n'a pas été préservé comme les quatre, comme l'imam Sufyan al-Thawri. Il a son propre madhhab. Et l'imam Ishaq ibn Rahouya, il a son propre madhhab aussi. Et plein d'autres imams comme ça aussi, à l'époque de ces imams-là, ils avaient eux aussi un madhhab. Mais leur madhhab n'a pas été préservé par leurs élèves. L'imam Layth ibn Sa'd. Lui aussi, il a son propre madhhab. C'est un des imams qui vivait en Égypte à l'époque de l'imam Malik. Oui, Layth ibn Sa'd. Et l'imam Al-Shafi'i, il a étudié avec l'imam Malik. Et quand il a quitté l'imam Malik, il est parti en Égypte pour étudier avec l'imam Layth ibn Sa'd. Et quand il est arrivé, l'imam était déjà décédé. Pendant son voyage, il est mort. Donc, arrivé en Égypte, il a étudié avec ses élèves. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Al-Layth ibn Sa'd afqah min al-imam Malik. C'est-à-dire, il avait plus de fiqh, il était plus fort dans son fiqh que l'imam Malik. Et na'am. Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas un madhhab préservé et qui est célèbre aujourd'hui qu'il était moins savant ou qu'il était moins grand dans l'islam et dans la science que ceux qui ont eu un madhhab qui était préservé. Hein? Ja'far al-Sadiq. Na'am. Ja'far al-Sadiq fait partie des ulama d'Ahl al-Sunnah. Toutefois, les Rafidah, ils ont inventé plein de mensonges à son sujet. Ils lui ont attribué des positions et des paroles et ont prétendu qu'il était avec eux, alors qu'au contraire, il était un parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah. Il n'a rien à voir avec les Shia ou les Rafidah. Na'am. Donc, ça c'est par rapport à cette question. Donc, le Cheikh, il dit ensuite, donc, malgré la grande science de l'imam Tabari et le respect qu'on a pour lui et le statut qu'il a dans la science et le fait qu'il a précédé, hein, il a précédé beaucoup de ulama dans le mérite et dans le bien, mais dans la question qui est arrivée par rapport à ça, al-ism wal-musamma, est-ce que le nom c'est la même chose que la chose nommée ou non? Parce que c'est différent. Eh bien, sur cette question-là, il n'a pas tranché, il n'a pas pris une position, et il a dit, laysa indi illa man fi qawlihi al-ghina wa al-shifa. C'est-à-dire, je n'ai pas autre chose que la parole ou la position de celui dont la position est suffisante et yani, c'est-à-dire, elle nous épargne et elle nous suffit, elle nous guérit de ce problème-là, c'est-à-dire la position de l'imam Ahmad. Et il a suivi l'imam Ahmad aveuglément dans cette question-là, dans le sens qu'il a fait le taqlid de l'imam Ahmad. Moi, je traduis le taqlid par le terme suivi aveugle, mais c'est peut-être pas nécessairement la définition ou la traduction qui s'applique à chacune des utilisations du terme taqlid. Moi, j'utilise cette traduction-là pour simplifier, d'accord? Mais sinon, parfois, comme on dit, le terme taqlid peut avoir ce sens-là, mais il peut aussi avoir des différences dans le degré puis dans la forme, comme l'exemple du taqlid ici de l'imam At-Tabari vis-à-vis de la position de l'imam Ahmad dans cette question. Hein? Il a pris la position de l'imam Ahmad puisqu'il sait que l'imam Ahmad, dans cette question-là et dans les questions qui ont rapport avec les fondements de la sunna et la aqida, c'est un imam, hein, une référence dans ce domaine. Donc il s'est limité à ça. Et dans les questions qui ont rapport avec al-jarh wa ta'dil, c'est-à-dire l'éloge et la critique des narrateurs de hadith ou des savants ou des gens qui parlent de la religion, eh bien les ulama, ils suivaient ceux qui les ont précédés dans ces questions-là. Par exemple, ils vont dire, bon, un tel, il a été déclaré thiqa par Ibn Ma'in, ou par un tel, ou par un tel. Donc, il se réfère à ces paroles-là. Il y a des livres qu'on appelle les livres de Rijal, hein, ou Asma al-Rijal, le nom des hommes. Et dans ces livres-là, il y a la position ou la parole des imams sur chaque narrateur. Hein? Donc, ça c'est un exemple dans lequel les savants se référaient aux paroles de ceux qui les ont précédés. S'ils trouvaient que personne n'avait contredit cet imam par rapport à la critique de celui-là ou à le jarh qu'il a fait d'un tel, eh bien, il le prenait. Il le prenait. Et si par contre, c'est-à-dire si on connaissait personne qui avait contredit par rapport à cette personne-là, donc on l'acceptait. Mais si on connaissait quelqu'un, si on voit un savant, par exemple, qui a contredit ce qu'un autre a dit, là on vérifie. Comme on l'a expliqué dans la preuve. Après, le cheikh il dit, il y a une autre catégorie de personnes par rapport au taqlid. الصنف الثاني من يحرم عليه التقليد ولا يسوغ له بحال. Celui pour qui il est interdit de faire le taqlid et que c'est interdit pour lui, il y a dans tous les cas, il n'y a pas un cas dans lequel c'est permis pour lui de faire le taqlid. Il dit وهو العالم المجتهد الذي يستطيع أن يستفرغ الوسع بالنظر في الأدلة وصولا إلى الحكم الشرعي إما على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن الغالب فإنه يطلب منه الاجتهاد والنظر في الأدلة. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie, comme on l'a dit, celui pour qui il est interdit de faire le taqlid et que c'est interdit, yani dans tous les cas, il n'y a pas de cas dans lequel pour lui ce sera possible ou permis de faire le taqlid. C'est le savant mujtahid qui a la capacité de dépenser tout son effort pour arriver à un verdict de la charia en observant les preuves de la charia. Soit qu'il va arriver à un verdict d'une manière qui est certaine, qui amène à la certitude, parce qu'il y a des preuves claires et explicites sur le sujet dans le Coran et dans la Sunna, dans l'Ijma, ou bien il va arriver à ce verdict par qu'est-ce qui est le plus proche de la vérité, ou qu'est-ce qui est le plus probable, le plus qu'est-ce qui est plus près de la vérité selon son jugement lorsqu'il va utiliser par exemple le qiyas, des analogies et des choses de ce genre lorsqu'il n'y a pas de verdict extrait de façon explicite du texte lui-même du Coran et de la Sunna. Il dit فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِجْتِهَادِ. Dans ce cas-là, il doit faire l'ijtihad et regarder dans les preuves pour connaître le verdict sur la question. Lui, il n'a pas d'excuses. C'est obligatoire pour lui de faire l'ijtihad. Il n'a pas le droit de faire le taqlid. Et comme on a dit, ça dépend des certains savants, par exemple, ils sont mujtahid dans le domaine dans lequel ils sont spécialistes. Mais dans d'autres domaines, ils vont se référer à des savants pour arriver à un verdict parce qu'ils ne sont pas spécialistes dans tel ou tel domaine. Et d'autres, ils sont mujtahidines dans toutes les questions, dans tous les domaines, comme par exemple les quatre imams des madahib, l'imam Ibn Taymiyyah et d'autres imams, par exemple, de l'islam comme ça. Eux, ils peuvent faire l'ijtihad parce qu'ils ont atteint un degré qui leur permet de faire l'ijtihad dans ces questions-là. En tout cas, le cheikh il dit وَهُ أَوْ صَاحِبُ إِمَّا أَدَعْبُ وَبِهَذَا تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ يَنْهَ عَنِ التَّقْلِيدِ مُطْلَقًا أَحَدُ رَجُلَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِمَّا أَنَّهُ جَاهِلٌ سَمِعَ النَّاسُ يُدَنْدِنُونَ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ فَقَالَ مِثْلَ مَا فقال مثل ما يقول الناس أو صاحب هوى وهو قائد وهو قائد من يسمع قوله وهو قائد قائد من يسمع قوله إلى قبول قوله إلى قبول قوله هو فقط يعني شيخنا قال وهذا هو التعصب المذموم وهو التقليد المذموم فالتقليد المذموم هو تعصب وهذا هو الذي يدعو إليه ذلكم الرجل الذي ينهى عن التقليد على سبيل الإطلاق طلاب في باكورة الطلب لا يعرفون اتباعا ولا تقليدا يشيع فيهم وينفخ فيهم نحن لا نقلد لا نقلد أحدا لا نقبل هذا ليس من سياسة السلف ولا من فقه السلف فإن العالم السلفي هو الذي يعلم الناس السنة وإذا كانت المسألة فيها خلاف فإنه يعرض الأقوال ويعرض أدلتها ويرجح ما يراه راجحا Donc, le Cheikh, il dit que il dit maintenant vous pouvez savoir que celui qui interdit le taqlid de façon absolue c'est une des deux personnes suivantes il n'y a pas de troisième soit que c'est un ignorant ou soit que c'est quelqu'un qui suit sa passion donc la personne qui est ignorante il a entendu les autres qui parlaient de la question du blâme du taqlid et yani, il a répété qu'est-ce que les gens disaient ah le taqlid c'est haram ou on n'a pas le droit de faire le taqlid de façon absolue mais il ne connaissait pas les détails il ne connaissait pas les explications des ulama spécifiques et détaillées sur ces questions-là il dit au sahib hawa c'est-à-dire ou bien une personne qui est sur la passion c'est-à-dire quelqu'un qui est sur la bid'a quelqu'un qui suit la passion وهو قائد من يسمع قوله إلى قبول قوله هو فقط شيخنا قال يعني c'est la personne qui dirige celui dont on a entendu la parole qui dit par exemple qu'il faut accepter sa parole à lui seulement et il dit notre cheikh a dit et ça c'est ce qu'on appelle التعصب المذموم c'est-à-dire c'est une forme de fanatisme c'est une forme de fanatisme de vouloir suivre une personne ou un cheikh aveuglément comme par exemple quelqu'un qui va dire il faut juste suivre mon madhab et mon imam et mon cheikh et même si tu lui ramènes dalil il va dire non moi je suis qu'est-ce qui est dans mon mazhab donc ça c'est yani, un taqlid suivi aveugle qui est blâmable et c'est du fanatisme et il dit wa huwa alladhi yad'u ilayhi dhalikum ar-rajul alladhi yanha 'an at-taqlid 'ala sabil al-itlaq il dit ça c'est la personne qui fait ça c'est la personne qui interdit de façon absolue le taqlid de façon absolue il l'interdit il dit ça à des débutants dans la quête de la science qui ne connaissent ni le suivi ni le taqlid, ni rien de ces choses-là et il essaie de souffler en eux cette idée que nous on ne fait pas le taqlid de personne et on ne suit personne on n'accepte pas la parole de personne ça c'est Et ça ne fait pas partie de l'attitude des salafs et de leur façon d'agir, de parler. Et ça ne fait pas partie de leur fiqh aussi. Ça ne fait pas partie du fiqh des salafs. Parce que le salafi, le savant salafi, c'est celui qui enseigne aux gens la sunna, puis que lorsqu'il y a une question au sujet de laquelle il y a divergence, eh bien, il va présenter les positions des savants et il va présenter les preuves et il va faire le tarjih. Il va faire le tarjih selon ce qu'il voit comme étant rajih. C'est-à-dire, selon ce qui est plus proche de la vérité selon lui, dans les preuves qu'il présente. s'ils trouvent que, yani, d'après les preuves du Coran et de la Sunna et les principes de la Sharia, qu'une preuve quelconque est plus proche de la position de vérité qu'une autre position, eh bien, il va prendre la position de vérité selon les preuves, hein, et selon les principes de la Sharia. Donc, ça, c'est la position. Mais, quand tu parles avec des débutants ou des gens qui parlent avec la. Qui commencent à apprendre la science ou des choses de ce genre, puis tu leur dis, nous, on ne fait pas de taqlid ou des choses comme ça, yani, de façon absolue, sans détailler, sans clarifier, eh bien, yani, ces jeunes-là, ils ne connaissent même pas les hadiths, là, ils ne connaissent rien, et ils ne comprennent rien, donc, de leur dire ça de cette façon-là, souvent, c'est une manière pour eux d'essayer de les pousser à les suivre, eux, aveuglément. Hein? Donc, ils pensent que tout le monde fait le taqlid, sauf celui qui les suit, eux. Donc, ça, c'est la fin de la question numéro 20. On va lire maintenant la question numéro 21. جزاكم الله خيرا. السؤال الحادي والعشرون. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول إذا حصل تقصير من الحاكم فيما يظهر أو فيما يظهر من أمر من أمور الرعية وتسبب هذا التقصير في ردة فعل للرعية بأمور لا يرضاها الحاكم كالاعتصامات والمظاهرات وغيرها فهل هذا يعتبر من الخروج عليه وهل هنالك فرق في تقصيره من جهة الدين أو الدنيا. Donc ça, c'est une question qui a rapport avec le manhaj. Et c'est la question qui a été posée maintenant au cheikh au sujet de, yani, du fait que s'il y a une faute ou un manquement qui a été fait par le dirigeant, yani, dans ce qui est apparent, du fait qu'il a manqué à certaines de ses devoirs ou de ses responsabilités, dans les questions qui ont rapport avec le peuple, hein, et qu'il a fait preuve de manque, de manquement, où il n'a pas fait qu'est-ce qu'il devait faire vis-à-vis du peuple, et que à cause de ce manquement ou à cause de cette négligence ou de ce problème, il y a eu une réaction de la part du peuple. Hein, et qu'ils ont commis, le peuple a fait par la suite, comme réaction, des actes ou des gestes qui ne font pas plaisir à ce dirigeant. Comme par exemple, des manifestations, hein, et des marches. Hein. Donc, est-ce que ce genre de manifestation, ce genre de marche, ce genre d'action, est-ce que ça c'est quelque chose qui est considéré comme une rébellion contre ce dirigeant-là? Et est-ce qu'il y a une différence dans le fait que les manques ou les problèmes, c'est du fait que le dirigeant il a manqué à ses responsabilités? Est-ce qu'il y a une différence entre le fait que ce soit des choses reliées à la religion ou reliées à la dunya? Donc, la réponse du cheikh à ce sujet-là, je ne sais pas si la question elle a été traduite clairement de ma part, mais sinon je vais clarifier, c'est supposons que le dirigeant, il n'a pas fait tout ce qu'il était supposé de faire et qu'il a manqué à certaines de ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Et le peuple, à cause de ça, a voulu se faire des manifestations et faire des marches pour critiquer ou montrer son désaccord vis-à-vis de ce que fait ce dirigeant-là. Et le dirigeant, il n'a pas été satisfait de ça. Est-ce que l'acte qui a été fait de la part de la population lorsqu'il manifeste et lorsqu'il font des marches et des démonstrations, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est considéré comme une rébellion ou une révolte contre ce dirigeant? Et est-ce qu'il y a une différence entre les manquements ou les manques ou les le mot je le connais en anglais, mais en français comme il y en a de shortcomings, hein? C'est-à-dire quand quelqu'un a manqué à sa responsabilité. Est-ce que ça c'est uniquement, est-ce qu'on prend en considération les choses qui ont été faites, les manques qui ont été présents chez ce dirigeant-là par rapport aux questions de la dunya ou par rapport aux questions de la religion? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le cheikh il répond, il dit قَدَّمْتُ لَكُمْ لَا أَدْرِي فِي جَلْسَةِ الْبَارِحَةِ أَوْ فِي مَا مَضَى وَقَدْ يَكُونُ فِي جَلَسَاتٍ سَابِقَةٍ قوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي على عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينازعن يدا من طاعة فانظروا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فمعصية الله عامة صيغة عموم مفرد مضاف لغير العهد فهو صيغة عموم باتفاق المحققين ولا أعرف حتى الساعة من علماء الأصول من يخالف في هذا فإذا تقرر هذا قلنا مع هذا السؤال وقل فلنا مع هذا السؤال وقفتان أو ثلاث أي نعم الوقفة الأولى هل الاعتصامات والمظاهرات احتجاجا على عمل الحاكم وتقصيره في دينه أو في دنياه في عمل ديني أو دنيوي هل هو هذا العمل من منهج السلف أو من منهج غيرهم؟ Donc le cheikh il répond, il dit, je sais pas si, il dit j'ai déjà parlé de ça, soit la nuit dernière ou dans les cours, dans les assises précédentes, et c'est possible que ce soit dans qu'est-ce qui a précédé. Il dit j'ai parlé de ça et je vous ai mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit celui qui a un dirigeant et qui l'a vu faire une désobéissance quelconque d'Allah, qu'il déteste ce qu'il fait, mais qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance à ce dirigeant. Donc ça c'est un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, ou bien par Muslim sinon, hein, qui dit donc que celui qui a un dirigeant sur lui, et qu'il l'a vu ce dirigeant faire une désobéissance quelconque à Allah, il a désobéi à Allah dans quelque chose, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors détester ce qu'il fait comme désobéissance. Son péché tu dois le détester, parce qu'on déteste qu'il fait comme péché, mais n'enlevez jamais votre main de son obéissance, c'est-à-dire tu ne vas pas cesser de lui obéir dans ce qu'il t'ordonne de bien par la suite à cause de ce péché-là, et tu ne vas pas renier son obéissance et son l'autorité qu'il a sur toi à cause de cette désobéissance-là. Hein? Et le cheikh il dit, regardez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu le vois faire une désobéissance quelconque. Hein? Il désobéit à Allah dans quelque chose. Il dit, et la désobéissance ici, c'est générale. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quel péché, n'importe quelle désobéissance. Ça peut être de l'injustice, ça peut être du vol, ça peut être le fait que des gens sont tués, ça peut être que il y a de la fornication ou de l'adultère ou d'autres péchés comme de l'alcool, du riba, ça peut être d'autres genres de péchés parmi ces péchés-là. Donc tu vois ces dirigeants-là faire ce genre de péché parmi les péchés. Et le chef dit donc ça c'est général, le péché n'est pas spécifié, ça peut être n'importe quel péché, hein, parmi les péchés. Et donc le cheikh il dit ça c'est une règle dans Al-Usul, hein, que c'est un terme qui est singulier et qui est rallié ou bien rattaché, yani ya'ti shay'an min ma'siyatillah. Donc c'est-à-dire qui est pas rattaché à quelque chose de, qui est défini. Ça peut être n'importe quel péché, peu importe, un péché quelconque, hein, shay'an, ça veut dire n'importe quel. Et ça, tous les savants de Usul sont d'accord pour dire que ça a un sens général. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé un savant dans l'Usul, pour le faire, qui a contredit dans cette règle-là. C'est clair, ça c'est connu. Il dit, فَإِذَا تَقَرَّرَهَا. Si on est d'accord avec ça, eh bien, on va analyser deux points ou trois sur ce hadith, ou plutôt sur la question. الْوَقْفَةُ الْأُولَى. La première analyse ou le premier point qu'on fait par rapport à cette question. Est-ce que les manifestations et les marches et les démonstrations, hein, en essayant de justifier ça par l'acte que le dirigeant a fait ou par ses manquements, par rapport à ses manquements dans la religion ou dans la dunya, ou à cause d'une un acte religieux ou un acte de la dunya, quelque chose de la vie d'ici-bas. Est-ce que ça, de faire ce genre de manifestation-là, fait partie des actions et de la méthodologie des salafs, ou bien est-ce que ça fait partie de la méthodologie d'autres que les salafs? Et le cheikh, il dit, فَهُوَ مِنْ مَنْهَجِ غَيْرِهِمْ. Hein? Donc ça fait partie du manhaj d'autres que les salafs. Ça ne fait pas partie du manhaj des salafs. Ça fait partie du manhaj des khawarij, des mu'tazila et des gens de bid'ah. Donc le cheikh dit, فَإِذَنْ هُوَ مُحْدَثْ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ نَصَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc ça fait partie d'autre que la méthodologie des salafs. Donc c'est quelque chose qui est innové, quelque chose de nouveau, inventé dans la religion. Donc c'est une bid'ah. Et toute bid'ah est un égarement, et tout égarement mène au feu. Et ça, il y a un texte explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Al-waqfat al-thaniya, le deuxième arrêt qu'on peut faire sur cette question. نحن لا ندعي العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين الله بأن ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا تجوز مخالفته لأنهم رضي الله عنهم مجمع على عدالتهم والمحققون والمصنفون وأئمة الدين مجمعون على أن إجماعهم أن إجماعهم حق ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء وبقي كيف يعالج هذا التقصير من ذلك الحاكم. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, nous on prétend pas qu'il y a quelqu'un d'infaillible après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on considère ça comme faisant partie de notre religion que c'est quelque chose sur laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui ont tous été d'accord, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de contredire ce principe-là, que yani, on n'a pas le droit de sortir ou de se rebeller ou de faire des manifestations contre le dirigeant. Ça, c'est quelque chose sur laquelle les salafs ont tous été d'accord, et donc on n'a pas le droit de les contredire là-dedans. Hein? Parce que les salafs, toute la Ummah sont d'accord sur le fait qu'ils sont des gens de droiture et de justesse, et tous les vérificateurs et les auteurs de l'islam et les imams de l'islam sont tous d'accord que leur consensus est véridique et que c'est la vérité. S'ils sont tous d'accord, les salafs, sur quelque chose, eh bien, on n'a pas le droit de les contredire ou de s'opposer à eux. Et personne parmi les salafs n'ont contredit à ce sujet-là, excepté les gens de la passion. Excepté les gens de la passion. Et il est resté, par exemple, il reste maintenant, par exemple, à régler une question ou un point, et c'est-à-dire comment on gère ou comment on n'agit quand, par exemple, un dirigeant a des manquements ou quand il manque à ses devoirs et à ses responsabilités envers la population. C'est quoi la façon acceptable en islam et c'est quoi la façon qui est en accord avec la voie des salafs pour gérer ce genre de situation-là et comment on doit agir envers ce dirigeant-là. Le cheikh, il explique, il dit, premièrement, أولاً, لو قال قائل تقصير الحاكم لأمر من أمور الرعية هيج بعضهم عليه وهذا من المعاملات والمعاملات الأصل فيها الإباحة أو الأمر واسع كما يقولون خليهم يتكلمون بما يشاءون لكن نحن عندنا ميزان نزن به الأعمال والأقوال فنقول هل ورد في هذه القضية أمر يحكم أو هي متروكة على أنها معاملة حتى تقولوا ما تقولون فإن قالوا نعم خصموا أنفسهم بأنفسهم وسوف نأتي بالحجة بعد قليل وإن قالوا لا نقول كذبتم ورد فيها نص والنص حكم فاصل للنزاع سواء كان المتنازع فيه عبادة أو معاملة لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بغير ما تعبدنا بغير النص الإجماع نحن متعبدون به لما قدمت من الإشارة إلى أدلته. Donc le cheikh il explique que premièrement si quelqu'un nous dit que يعني parmi les hizbiyyin si quelqu'un nous dit les manquements de la part du dirigeant dans une question parmi les questions qui ont rapport avec le peuple certains on les voit par exemple qui font des manifestations qui font du bruit qui font des problèmes par rapport à ces questions-là et eux ils disent ça, c'est des questions qui ont rapport avec les interactions entre les hommes. Et les questions qui ont rapport avec les mu'amalat, les interactions humaines et des choses de ce genre, à la base, c'est que c'est permis dans ces questions-là d'agir ou de faire quelque chose, dans le sens que c'est permis et ils prétendent qu'il n'y a pas de preuve pour l'interdire. Hein. Ils disent donc, on a le choix, on peut agir comme on veut dans ces questions-là. Donc le cheikh, il dit, laisse-les dire ce qu'ils veulent, mais nous, on a une balance sur laquelle on se base pour peser les actions et les paroles des gens. Donc on va dire, on leur pose la question, est-ce que dans cette question, par rapport à ce sujet-là, est-ce qu'il y a un ordre sur lequel on juge, ou bien que l'affaire elle a été laissée ouverte et libre, et qu'on va dire que ça fait partie des interactions. Dans ce cas-là, tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas dire que c'est haram, donc on a le droit de faire tout, parce que la règle de base, c'est que c'est mubah, c'est permis. Donc, sur quoi vous vous basez pour dire ça? Est-ce que vous savez s'il y a une preuve à ce sujet-là ou non? Si ils disent oui, il y a une preuve pour que c'est interdit de faire ça, de se révolter, de se rebeller, de faire des manifestations. Bien, s'ils disent qu'il y a une preuve, ils se sont réfutés eux-mêmes. Hein? Ils ont établi l'argument contre eux-mêmes. Et on va expliquer la preuve tout de suite après. Il dit, mais s'ils disent non, c'est-à-dire ils disent qu'il n'y a pas de preuve, eh bien nous, on leur dit que vous avez menti. Parce qu'il y a un texte, et il y a une preuve claire, et un texte explicite qui tranche dans cette dispute-là que vous avez avec nous. Peu importe que la chose dans laquelle vous divergez avec le dirigeant soit une chose qui concerne l'adoration ou les interactions de la dunya, dans les deux cas, il y a une preuve à ce sujet et il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de l'adorer par autre chose que le texte du Coran et de la Sunna ou par le consensus. Comme on l'a expliqué et comme on l'a indiqué, on a mentionné la preuve tout à l'heure. Il dit wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. ماذا بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته ونحن نؤكد عليكم أنه قد ورد نص فما ذلكم النص دونك الشيخ الدي الله سبحانه وتعالى الدي premièrement ô vous qui avez cru obéissez à Allah obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement c'est-à-dire les dirigeants obéissez aux dirigeants et qu'est-ce qui est après qu'est-ce qui est dit après dans le verset et si vous divergez en quoi que ce soit ou vous disputez en quoi que ce soit ramenez-le à Allah ou renvoyez-le à Allah et à son messager les hommes de science ont dit que de le renvoyer à Allah c'est-à-dire de le renvoyer à son livre et de le renvoyer au messager c'est-à-dire de le renvoyer au messager sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie c'est-à-dire lorsqu'il était vivant et de le renvoyer à sa sunna après sa mort. Donc le cheikh il dit, et on veut confirmer maintenant, à propos du texte qui a été rapporté, comme preuve, quelle est cette preuve, quel est ce texte? Le cheikh il dit, « Fal-jawab, rawa ibn Abi Asim wa Ahmad fi musnadihi an Iyad ibn Ghunam » رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه ça veut dire et c'est ça la preuve c'est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunna et par l'imam Ahmed dans sa Musnad selon Iyad Ibn Ghunam Runum, ou bien Runim, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut donner un conseil à celui qui détient un pouvoir ou une autorité, hein, c'est-à-dire le dirigeant, qu'il ne le fasse pas ouvertement, mais qu'il reste en privé avec lui, hein, seul avec lui, et qu'il le prenne par la main, s'il l'accepte, il l'accepte, mais sinon, il a rendu ce qui était obligatoire sur lui. C'est-à-dire, il a fait envers ce dirigeant ce qui était obligatoire sur lui de faire. Il lui a donné la nasiha. Le cheikh explique ce hadith-là et il dit « هذا الحديث يتضمن ما يأتي » Donc, ce hadith comprend ce qui suit. « أولا وجوب نصيحة الحاكم فيما يقصر فيه سواء كان في نفسه ou fi amri ra'iyati sirran. Donc, premièrement, l'obligation de donner la nasiha au dirigeant dans les choses dans lesquelles il a des manquements, peu importe que ce soit des manquements par rapport à sa personne ou dans les questions qui ont rapport avec le peuple, et il doit le faire en secret. Fala yubdiha alaniya. C'est-à-dire qu'il ne le divulgue pas ouvertement, hein, devant les gens. Et ça, c'est le cheikh dit wa hadha ma'nahu sirran. Hadhihi sirriya yajib an takuna hatta an aqrab an-nas ilayhi in amkan. Il dit ça, c'est qu'est-ce que ça signifie le faire en secret, et ce secret, il est obligatoire de le respecter, même les plus proches personnes de ce dirigeant-là, si c'est possible. C'est-à-dire, tu ne vas pas le divulguer, même devant les personnes les plus proches de ce dirigeant, si c'est possible. Deuxièmement, ثانياً براءة الذمة وخلوها من التبعة إذا أمكن نصح الحاكم سواء قبل أو لم سواء قبل أم أو لم يقبل أو لم يقبل. Donc, le fait que tu aies donné la nasiha à ce dirigeant là, donc tu as fait ton devoir et tu as retiré de toi-même la responsabilité, hein, des conséquences ou des péchés, puisque tu lui as fait la nasiha. Tu as fait la nasiha à ce dirigeant-là. Donc, peu importe que le dirigeant ait accepté ta nasiha ou non, toi tu t'es exempté de la conséquence ou des péchés ou de la peine d'avoir يعني d'avoir une peine par rapport à ça. ثالثا, troisièmement, لو كان ثمة وجه يرضاه الله عز وجل لبان ذلكم الوجه يعني في النصيحة إما في الكتاب وإما في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وللقوم شبه. Donc le cheikh il dit que troisièmement, d'ici il y avait une autre façon de comprendre ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, hein, eh bien on aurait vu ça clairement, c'est-à-dire dans la nasiha, soit dans le Coran ou dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens de bid'a ont des shubuhat à ce sujet-là. Il dit minha أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان أمير المدينة حين قدم مروان خطبة العيد على الصلاة أنكر عليه ذلك قالوا فهذا إنكار علني. Les gens, ils ont des shubuhat. Parmi les gens de bid'a, ils ont toujours des shubuhat pour essayer de justifier les manifestations et les critiques du dirigeant en public. Il rapporte par exemple l'exemple de ce que Abu Sa'id ibn al-Khudri a rapporté lorsqu'il a dénoncé l'acte de Marwan lorsqu'il était amir de Al-Madina. Donc Marwan en question, il a précédé la khutba d'Eid, il a fait la khutba d'Eid avant la salat d'Eid. Et on sait que lorsque c'est l'Eid, on fait la salat en premier, puis après il y a la khutba. Mais lui, Marwan, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la khutba en premier, puis il a fait la salat d'Eid après. Ça, c'est contraire à la sunna. Et il y a quelqu'un qui a critiqué ou qui a condamné ce qu'il a fait. Et donc, eux, ils utilisent ça comme preuve. Maintenant, le cheikh, il explique, il dit... نقول الحمد لله أنكم أتيتم لنا بحديث نعرفه وليس عندنا في القصة نزاع لأنها في صحيح مسلم ونقول الحمد لله أنكم أتيتم لنا بحديث نعرفه وليس عندنا في القصة نزاع لأنها في صحيح مسلم لكن في مضمون القصة أمور غفلتم عنها أو تغافلتم والثاني أحرى بكم عندنا لأننا تعودنا منكم إلقاء الشبه وتلك الأمور يعني أولا. Donc on va lire qu'est-ce qu'il dit ici. Le cheikh il dit alhamdulillah que vous avez ramené ce hadith qu'on connaît et يعني, on n'a pas de désaccord au sujet de cette histoire parce qu'elle est rapportée dans le sahih de l'imam muslim. Mais dans l'histoire, il y a des choses que vous avez négligées, que vous avez fait exprès de négliger. Et on pense plutôt que c'est la deuxième possibilité, puisque on est habitué de votre part d'entendre beaucoup de shubuhat. Et donc, parmi les choses que vous avez négligées, il y a premièrement Anna Abba Sa'id al-Khudri قال ما شئت مخاصرا مروان ومعنى المخاصرة أن كل واحد وضع يده في خصر الآخر ويحدثه فالناظرون يدركون أن هذين المتماشيين متخاصرين يتحدثان بأمر لكن لا يعلمون ما هو. Donc le cheikh il dit, premièrement Abu Sa'id, on mentionne dans l'histoire que il marchait avec Marwan mutakhasiran. Hein? Mukhasiran, pardon. Mukhasiran, le cheikh il dit al-mukhasara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux marchent ensemble et ils ont croisé leurs mains ensemble et leurs doigts ensemble en marchant. Hein? C'est comme s'ils marchent un à côté de l'autre et ils se tiennent les mains, hein? Et un rentre ses doigts dans les doigts de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et ça veut dire qu'ils marchent un à côté de l'autre. Et les gens les voient. Hein? Et ils savent, les gens qui regardent, ils savent qu'ils sont en train de marcher ensemble et qu'ils parlent de quelque chose. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Deuxièmement, Anna Abba Sa'id, radiallahu anhu, lamma qala li Marwan, aina l'ibtida bis salah, qala يا أبا سعيد لقد ذهب ما تعلم إن الناس لا يجلسون لنا. وقد ذكر أنه أعني أبا سعيد يجذبه إلى الصلاة ومروان يجذبه إلى المنبر. فقال أبا سعيد كلا لا تأتون بخير ما مما أعلم. ثم استمع إليه وصلى معه تم به في الصلاة ولم يتخذ من ذلك مجالا للتشهير بمروان بالأمير والنيل منه. Donc il dit deuxièmement que Saïd, lorsque il a dit à Marwan, on commence par où est-ce qu'il est le fait de débuter par la salat. Pourquoi tu commences pas par la salat? Il a dit ô Abba Saïd, qu'est-ce que tu as su? C'est fini maintenant, c'est parti. Parce que les gens ils s'assoient pas pour nous écouter. C'est-à-dire quand on commence par la salat, les gens ils partent tout de suite après la salat, ils n'écoutent pas la khutbah. Donc lui, il fait la khutbah en premier pour que les gens soient obligés de rester pour faire la salat après. Alors, il dit وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ يعني أَبَا سَعِيدَ يَجْدِبُهُ إِلَى الصَّلَاةِ. Donc, ils ont mentionné qu'Abu Saïd, il le tirait vers la salat. Il essayait de l'attirer vers la salat. Et Marwan, lui, il l'attirait vers le mimbar. Alors, Abu Saïd a dit non, vous n'allez pas ramener mieux que ce que je connais. Hein? Puis, il l'a écouté et il a prié avec lui. Hein? Il a prié avec lui et il l'a suivi dans la salat. Et il n'a pas pris de ça une excuse ou une raison pour exposer publiquement le dirigeant Marwan et pour l'attaquer publiquement. La troisième chose, أن رواية أبا سعيد هو وهو عامر بن سعد قال عن أبي سعيد ولم يقل رأيت مروان يفعل كذا وقال نعم لم يقل رأيت مروان يفعل كذا وأبو سعيد يفعل كذا لم يقل سمعت أبا سعيد الخدري يقول لمروان ومروان يقول له فبان بهذا التقرير دحض شبهة القوم وأن هذا الحديث الصحيح الذي هو من صحيح في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإنكاره في صحيح مسلم وإنكاره على مروان صنيعه بتقديم خطبة العيد على الصلاة كان سرا فأصبح الحديثان مجتمعين غير متفرقين ومؤتلفين غير مختلفين ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh il dit la troisième chose c'est que la narration qui a été rapportée c'est la narration de Abu Saïd et Abu Saïd son nom c'est Amir ibn Saad et il dit selon Abu Saïd et il n'a pas dit j'ai vu Marwan faire telle ou telle chose hein? Et Abu Saïd a fait telle chose et il n'a pas dit j'ai entendu Abu Saïd al-Khudri dire à Marwan et Marwan lui a dit non. Donc on voit clairement ici la réfutation de la shubha de ces gens là quand ils essaient d'utiliser ce hadith qui est authentique rapporté par l'imam muslim dans son sahih selon Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu et comment il a critiqué ou condamné ce que Marwan a fait en faisant précéder la khutbah de Eid sur la salat et tout ça s'est passé en secret, c'est-à-dire tout ce que Abu Saïd a dit à Marwan dans cette histoire, ça s'est dit en secret, pas ouvertement. Et donc, on voit qu'il n'y a pas de distinction, de différence entre ce hadith et le hadith précédent qu'on a mentionné au sujet du fait que lorsqu'on donne le nasiha au dirigeant, il faut la donner en secret. Je vais traduire la fin de la fatwa mais je vais traduire en français directement du texte parce que il reste pas beaucoup de temps et pour sauver du temps pour finir la fatwa. Donc le cheikh il dit, on comprend donc ici que la nasiha aux dirigeants c'est quelque chose d'obligatoire et les hadiths qui sont rapportés au sujet de donner la nasiha aux dirigeants, ce sont des hadiths qui sont clairs, comme par exemple le hadith qui dit la religion c'est le bon conseil ou c'est la nasiha, ad-din al-nasiha, hein, la religion c'est la sincérité et c'est le bon conseil. Ils ont dit à qui, au messager d'Allah ou envers qui, et il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général, ou les musulmans du commun ou tout le monde parmi les musulmans. Et il y a d'autres hadiths très nombreux à ce sujet-là. Mais qui donne la nasiha et comment? En ce qui concerne le comment, on l'a déjà expliqué et vous l'avez su. En ce qui concerne qui est la personne qui donne la nasiha, eh bien ce sont les gens proches du dirigeant. Parce que le dirigeant, il y a des choses qu'il peut ignorer par rapport à l'état des gens. C'est possible que le dirigeant ignore certaines choses qui se passent hein, par rapport à la population. Et وقد يكون في مقام يحتم عليه الحذر إلا من ناس معينون هنا إذا أردت أن تنصح حاكما فإذا كنت من الذين يمكنهم الدخول عليه والجلوس إليه ومحادثته فاصنع ما سمعته في حديث عياض بن غنم وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. Donc il dit ça se peut que le dirigeant donc il y a des gens proches de lui qui lui donnent la nasiha. Dans ce cas-là qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller directement vers lui parce que le dirigeant il a déjà des conseillers proches de lui qui lui donnent la nasiha. Donc si tu fais partie de ceux qui sont parmi ces gens-là, donc dans ce cas-là tu peux t'approcher du dirigeant, lui parler, lui donner la nasiha, t'asseoir avec lui. Dans ce cas-là tu le fais tel que c'est mentionné dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, rapporté par Ibn Abi Asim selon Ayyad ibn Hunam. C'est un hadith sahih et il est sahih si on rassemble toutes ces narrations, toutes les narrations qui sont rapportées, on les met ensemble, il devient sahih. Et toutefois, si tu n'as pas de lien avec le dirigeant direct, in kunta la silata laka bihi wa la tatamakkan min ad-dukhul alayhi aw tatamakkan walakin la tatamakkan min al-julus ilayhi wa muhadathatuhu bal استطعت أن تكتبها وتسلمها بيده مع السلام عليه ثم تنصرف فذاك أمر جميل. Il dit si tu n'as pas de relation avec lui, de lien avec lui, et tu ne peux pas rentrer chez lui, ou bien tu peux, mais tu ne peux pas t'asseoir pour parler avec lui, dans ce cas-là, si tu es capable juste de l'écrire, puis tu lui donnes la lettre dans sa main, en lui donnant le salam, puis tu t'en vas. Ça, c'est quelque chose de bien. Si tu peux pas, tu écris à quelqu'un qui est proche de lui. Et lui, il va le faire transmettre au dirigeant. Sawa'an qabila al-hakim aw lam yaqbal. Peu importe que le dirigeant l'accepte ou qu'il n'accepte pas. سواء وصلت إليه النصيحة أو لم تصل برئت ذمتك. C'est-à-dire, peu importe que la nasiha lui arrive ou ne lui arrive pas, toi tu as rempli ton devoir, tu as fait ta responsabilité. وإياك ثم إياك أن تغتر بصنيع هؤلاء القوم الذين يشهرون بالحكام على المنابر وفي المحافل العامة يصدعون بأخطائهم فإن هذا من التحريض الذي هو منهج الخوارج القعدية. Donc le cheikh dit, prends garde et fais attention, prends garde à ce que font certains d'entre les gens qui exposent les dirigeants publiquement sur le minbar ou dans les assemblées publiques et qui mentionnent leurs erreurs publiquement de cette façon pour les dénigrer ou pour les rabaisser ou pour montrer, amener les gens à les détester, parce que ça, ça fait partie de l'attitude des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'adiyya, qui est une secte parmi les Khawarij qui, eux, ne font pas nécessairement directement une révolte contre les dirigeants, mais ils incitent les autres à le faire, et c'est une des sectes parmi les plus dangereuses des Khawarij. On va s'arrêter ici et on continuera la semaine prochaine pour la suite à partir de la question 22. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.